Bienvenue à Web Music, c'est Simon Roy qui est au micro, au Python et etc. Encore une fois, je vous ai trouvé une belle sélection de musique gratuite. Cette semaine, on va débuter avec un nouveau net label qui vient de la France, qui s'appelle IQ Dub, donc qui nous propose du dub. Pour l'instant, ils ont seulement une compilation, mais une excellente compilation. Donc, je vous invite à aller faire un tour de leur côté. Donc, pour retrouver tout ce qu'on entend à l'émission et plus d'informations à propos de IQ Dub, vous vous rendez au www.webmusic.org. Vous avez les liens vers les artistes. Vous pouvez aussi télécharger les pièces. Donc, comme je vous disais, on va débuter avec trois pièces de la compilation de IQ Dub. On va débuter avec Tell Them Community, la pièce Attention. Tell Them Community qui vient de Dijon. Puis ensuite de ça, on va entendre de Brest l'artiste Scotchy, sa pièce Road Trip. Puis ensuite de ça, on va entendre Anti-Bypass, la pièce Speaking. Seninki hadi senin la yeter. Kadan ni thank you. du bon dub pour vous réchauffer. Donc, c'est une compilation qui est sur la toute nouvelle étiquette IQ Dub, une étiquette française qui vient de la ville de Dijon. On entendait à l'instant Anti-Bypass, la pièce, mon Dieu, je me souviens plus. Donc, allez voir sur le site pour le savoir. Donc, c'était précédé par Scotchy, un artiste de la ville de Brest. Sa pièce s'appelle Road Trip. Vous avez pu reconnaître des samplings de Yoda au travers, avec un peu de métal, un peu de dub, donc une pièce vraiment intéressante. Puis enfin, on avait débuté avec Tell Them Community, la pièce Attention, Tell Them Community, qui viennent de Dijon, eux aussi. Pour poursuivre Web Music, on va aller entendre un artiste, plutôt un groupe assez spécial qui font du hip-hop expérimental. Je vous ai choisi une pièce qui ne représente pas tout à fait ce que le groupe fait. Je vous invite à aller voir, à creuser un peu plus pour entendre qu'est-ce qu'ils font. Ça vaut vraiment la peine. Donc, le groupe s'appelle 35 Palata. Je vous fais entendre la pièce Prilom Leni. C'est un groupe ukrainien qui fait du hip-hop, donc vraiment intéressant. C'est sur l'étiquette Rozod Netlabel. Puis enfin, tout de suite, par la suite, on va entendre Stereo Colors, un artiste mexicain. Je vous fais entendre sa pièce Deep Colors. C'est sur l'étiquette japonaise Bombfoot. Thank you.

La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. De retour à Webmusique, c'est toujours Simon Roy qui est en votre compagnie. Avant la pause, on entendait l'artiste mexicain Stereo Colors, sa pièce Deep Colors. Puis avant ça, c'était 35 Palata, un groupe hip-hop ukrainien, donc qui faisait une pièce plutôt techno. Je vous invite vraiment à aller télécharger leur album. C'est complètement pété ce qu'ils font. C'était la pièce Prilom Leni. C'est sur l'étiquette Ross Zod Net Label. Avant ça, le Stereo Colors aussi, c'était sur Bombfoot, une étiquette japonaise. Donc, je vous recommande énormément. Ils ont vraiment énormément de matériel. C'est donc une étiquette qui est pas mal une référence dans le monde des net labels. Ils sont vraiment productifs. Ils sortent vraiment plein d'albums. Donc, je vous invite à aller faire un tour de leur côté. Nous, ben, à Webmusic, on va poursuivre avec un peu de hip-hop qui vient de Antwerp en Belgique. C'est un duo qui s'appelle 40 Wings. Je vous fais passer deux pièces. On va débuter avec Destination, My Imagination, puis ensuite leur pièce Wake Up. Puis tout de suite après, on va entendre un artiste qui vient de l'Irlande, donc qui s'appelle Automatic Tasty. Je vous fais entendre sa pièce Big Bad. Vous écoutez Webmusic sur les ondes de CKRL. Thank you. c'était Automatic Tasty, sa pièce Big Bad, donc Automatic Tasty qui vient de l'Irlande. L'artiste vraiment intéressant, c'est sur l'étiquette Acroplane Recordings. Avant ça, on entendait deux pièces du duo de Antwerp en Belgique. Le duo s'appelle 40 Wings. On entendait la pièce Wake Up. Puis avant ça, on avait débuté avec Destination My Imagination. Donc, 40 Wings, qui ont toujours des trucs hip-hop vraiment intéressants. Je vous invite à aller faire un tour de leur côté. Nous, on va poursuivre avec un artiste français qui vient de la Basse-Normandie, la ville de Caen. Il s'agit de Sushi Dread, sa pièce J.R.K. Dub. Puis ensuite de ça, un artiste qui vient de la ville de Laval, en périphérie de Montréal, donc Mr. Moods. Sa pièce s'appelle Illuminations. C'est sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. Une excellente étiquette. Donc, on entend tout de suite Sushi Dread, la pièce J.R.K. Dub. Thank you. C'était Mr. Moods, la pièce Illuminations. Oh mon Dieu, c'est encore la pièce Illuminations. Donc, un artiste qui vient de Laval sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. Puis avant ça, on entendait Sushi Dread, la pièce JRK Dub. Donc, Sushi Dread qui vient de la ville de Caen. C'est dans la région de la Basse-Normandie en France. Ça va être déjà tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Pour ça, vous vous rendez au www.webmusic.org. Vous avez les liens vers les artistes. Il y a aussi l'émission qui est disponible en balado-diffusion. Donc, si vous avez manqué des petits bouts de l'émission, bien, c'est possible à télécharger et l'écouter quand bon vous semble. Donc, il y a tout ça sur le site. Je vous invite à rester des nôtres. Tout de suite après, c'est le Père François avec sa propagande jésusienne. Donc, restez sur les ondes de CKRL. Nous, on va se quitter avec une dernière pièce des Brand Flakes, la pièce Countdown to the End. C'est le chouchou mix. Vous allez voir une pièce vraiment intéressante. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h30 pour une autre émission de Web Music. Bonne nuit. Housewarming. Ici Raymond Poirier. 3 mois avant les élections municipales, quels sont les enjeux, les défis auxquels Québec devra faire face? Quels dossiers sont prioritaires? Et peut-être surtout, quelles solutions envisager? Ces questions, je les poserai à mes invités toute cette semaine. Au gré d'entrevues, de discussions, de tables rondes, Québec et sa région seront réfléchis comme jamais au fil de 5 thèmes unificateurs. Ce lundi, planification urbaine et environnement. Mardi, terroir et culture. Mercredi, transport. Jeudi, tourisme et patrimoine. Et ce vendredi, société. Cette semaine, dès 7h30, soyez au rendez-vous pour ces éditions spéciales d'avant 9h, tout est possible, à l'antenne de CKRL. Ce jeudi 13 août à 20h30, dans le cadre de la série Concert Jazz, le Domaine Forget présente Renaud Garcia Fons en collaboration avec le Consulat général de France à Québec. Acclamé au Festival international de jazz de Montréal en 2008, le virtuose de la contrebasse, en compagnie du guitariste flamenco Antonio Ruiz et du percussionniste Pascal Rolando, propose une musique originale influencée par le jazz, le classique, le flamenco et les musiques folkloriques traditionnelles. Le Festival international, une présentation d'Hydro-Québec. Informations et réservations, domaineforget.com. C'est à l'antenne de CKRL.